Donc commencer, je vous dirai donc en 1958, la Gaule veut de Gaulle, elle l'a. Le général est propulsé par référendum au sommet de la toute nouvelle 5e République. Un autre Gaulle, Charlie celui-là, endosse au final le maillot jaune du Tour de France et Pelé, à 17 ans, marque déjà le foot de son empreinte. Le vent du triomphe souffle toujours fort pour Édith Piaf. Dario Moreno, lui, se fait connaître avec Si tu vas à Rio et Chuck Berry fait virevolter Johnny Bigout. Salut les 60, bienvenue sur Radio Guémozo. Somebody help me now. Won't somebody Salut les 60, souvenir sur Radio Guémozo. Sa première surprise partie, c'était Annie Chancel, alias Sheila. Au sommaire de Salut les 60, adaptation contre version originale, nos trois matchs. Le hit parade de janvier 1964, nous l'évoquerons à l'aide de quelques titres classés dans ce hit parade. Et notre coin du spécialiste sera consacré aujourd'hui à Michel Thor. Le tout accompagné d'une pléiade d'idoles des années 60, de quoi passer deux heures agréables. Merci de nous accompagner cet après-midi sur Radio Guémozo. Capture Guy Powers, le pilote d'un avion de reconnaissance américain U2. L'équipe du professeur Choron sort le premier numéro de Harakiri. L'URSS est condamné à l'ONU pour avoir espionné l'ambassade des États-Unis à Moscou. Jean-Luc Godard met en scène Jean-Paul Belmondo et Gene Seberg dans À bout de souffle. Spoutnik influence la pub. Bien entendu, la vraie voix de Bic. Voyez de bleu sous le ciel grec. Visconti, statue fille de Londres, Rocco et ses frères. Aux Jeux Olympiques de Scovalet, Jean Vuarnet gagne la descente et la médaille d'or. Marilyn séduit le milliardaire Yves Montand. Le petit Éric Peugeot est kidnappé. Puis relâché. John Wayne défend Fort Alamand. Pierre Balmain, Guy Laroche et Pierre Cardin deviennent les cocus du tout Paris. Et Eddie Mitchell et les chaussettes noires explosent. Chaussettes noires quand je te vois. Il y aurait d'ailleurs beaucoup de choses à dire sur les femmes, si bien entendu elles nous laissaient le temps de parler. Dany Logan sur Radio Gamozo, à vous les filles. Oui, vous les filles, si carine, si gentille, vous croyez l'amour facile, oui, chérie, vous vous moquez de nous. Et quand on danse, on se fait des confidences. Que voulez-vous pour en penser, chérie, vous vous moquez de nous. Well, well, well, well, dans vos deux grands yeux, vous regardez passer l'amour souvent de nos seuls. Et vous attendez impatiemment déjà, car notre tombe dans vos bras. Vous les filles, si câlines, si gentilles, vous croyez l'amour facile, oui chérie, vous vous moquez de nous. Attention quand il arrivera, ce garçon qui alors vous plaira. Quand vous le prendrez doucement par le cou, alors lui se moquera de vous. Vous les filles, si câline, si gentille, vous croyez l'amour facile, oui chérie, on vous aime malgré tout. Radio Guémozo, la musique s'écoute en deux versions. D'abord la version française avec Monty, une fois. Monty, une fois la version originale, on la retrouve dans le répertoire des Yardbirds et ça donne ceci sous le titre de For You Love. Les peut laisser Anne-Philippe Tiquet de Quai, que de souvenirs dans ce petit bout de carton. D'ailleurs, la SNCF envisage de supprimer l'accès au quai aux personnes non munies de billets. Car ces personnes, selon la SNCF, seraient par leur adieu à l'origine de bien des retards de train. Eh oui, les amoureux. Ceci étant dit, à présent, tu peux t'en aller. Sur du Gomozo, c'est les surfs. Thank you. années 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Guémozé. Godard sort Le Mépris. Au théâtre, on peut voir la pièce de Peter Ustinov, photo finish. Jacques Martin débute à RTL avec Jean-Yann. Nous sommes en janvier 1964 et je vous propose de découvrir quelques titres classés dans le hit parade de l'époque. En ce début d'année 64, Evie, la roqueuse aguicheuse à la jolie petite frimousse, classe chaque fois à la 35e place du hit parade. Chaque fois que je suis près de toi, chaque fois, oui, tu te fais de moi. Chérie, tu es fou d'être jaloux. Chaque fois que je parle d'un garçon, chaque fois tu veux des explications. Chérie, tu es fou d'être jaloux. Chaque fois, on se moque de toi. Chérie, tu es fou d'être jaloux. Chérie, tu es fou d'être jaloux. De janvier 64, tandis que les Beatles préparent le tournage de leur premier film. Leur premier film, je vais vous le rappeler comme ça, pour tout ça, disons pour les jeunes qui ne connaissaient pas. À l'époque, leur premier film, c'était Hard Day's Night. Johnny Hallyday classe, quand je l'ai vu devant moi, à la 22e place du hit parade, un titre signé John Lennon, Paul McCartney. Et quand son regard

Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Game Ozone. de Whisky, c'était la version de Monty en dans ce même temps, cette adaptation. Les Rolling Stones, Caught Again Witness. En 1962, donc on recule un petit peu, elle reprend le Locomotion, une composition signée Goffin King, et en fait un tube international sur Radio Game Ozo. Voici Little Eva. Commotion, l'un des plus gros tubes de l'année 1962. Guy Mardel et les Sunlight, le galérien, c'est à venir sur Radio Game Ozo. Pas volé, mais j'écris ma demande.

le jour se lève, oh dis-moi, oui toi, pourquoi? Crois-moi, sans amour, rien n'est bon, et j'ai tant besoin de toi, oh, oh oui, besoin de toi, oh, oh, oh oui, besoin de toi, oh mon chéri, besoin. Dalida, j'ai rêvé. La version originale, Dream Lover, on la retrouve dans le répertoire de Bobby Darin et ça donne ceci. Crazy man, crazy. Well, man, that rapide, allez, Crazy Man Crazy, le coin du spécialiste cet après-midi sera consacré à une chanteuse qui a fait ses débuts dans les années 60, mais qui a éclaté beaucoup plus tard. Nous allons dans quelques instants évoquer la carrière de Michel Thor. Michel Thor est une authentique chanteuse populaire. Elle a connu des hauts et des bas dans la vie et dans les hit-parades. Mais sa voix puissante et sa force de caractère lui ont permis de surmonter les épreuves et de faire de son prénom une image de marque. Michel Thor est né à Pertuis, un village du Vaucluse dont son père est le facteur. À 6 ans, elle gagne le concours de fin d'année de l'école communale en chantant bonbons, caramel, esquimau, chocolat d'Annie Cordy. Adolescente, son charme et sa voix lui valent d'être élue Miss Plus Beaux Yeux de la Côte d'Azur et de remporter une série de radio crochets. À Avignon, au cours de l'un d'eux, elle interprète Exodus et repart avec le premier prix, une audition dans une maison de disques à Paris. Elle n'a que 15 ans. Dans le train qui l'amène vers Paris, Michel bâtit son répertoire et écrit sans le savoir le début d'une histoire dont elle fera plus tard une chanson. Un directeur artistique qui l'entend par hasard lui propose un contrat. Michel s'installe à Paris en compagnie de sa mère et de sa sœur. Son père les rejoindra plus tard. Elle enregistre son premier disque qui devient le chouchou de l'émission de Salut des copains. Mais il faudra Dans mes bras, oublie ta peine, son deuxième 45 tours pour être propulsée au rang de vedette. Elle participe à la tournée du Golfe de Roux, passe à l'Olympia dans le spectacle de Claude François. Sa mère se tue au volant de la 4L offerte par sa fille. De fait, elle surmonte sa peine et en 1966, elle représente le Luxembourg au Grand Prix Eurovision de la chanson. Pendant une tournée d'été, Michel Thor vit une histoire d'amour avec Christophe, le créateur d'Aline. Le couple se sépare à l'automne, dépression, accident de voiture, la naissance de son fils, Romain lui donne le sourire. Puis elle épouse en 1969 Jean Vidal, qui dirigera par la suite sa carrière. Jean Albertini et Didier Barbelivien lui écrivent des chansons. Et petit à petit, l'adolescente du temps des yéyés se transforme en une artiste en phase avec les rythmes de son temps. Michel Thor, aujourd'hui grand-mère d'une petite Charlotte, aborde la soixantaine avec sérénité. « Ce n'est pas génial de vieillir, dit-elle, mais on devient aussi plus sûr de soi. On n'a plus peur de personne. » Après une trentaine de disques d'or, sa popularité demeure intacte. Elle chante 100 fois par an dans toute la France. « J'ai besoin du public, dit-elle. Il me rassure. L'épreuve la plus difficile sera de s'arrêter au bon moment. Et j'espère être capable de la réussir. » Mais les copains disent pas pareil. Ils n'ont qu'importe celui qui rit. S'il m'aime, s'il m'aime, s'il m'aime, j'aime tout ce qui me vient de lui. J'ai tant les 60, le plein de nostalgie sur Radio Gémozo. Je n'ai plus rien à faire. que d'ouvrir car j'entends ton pas. Mais te voilà, me ne prends pas l'air étonné. Beaucoup de peine, on s'est quitté pour quelques mots. C'est de l'histoire ancienne, je sais bien que tu m'aimes. C'est pourquoi j'ai guetté ton pas, et vous voilà là devant toi, tendant les bras. Qui ont faim, dites-vous que l'argent vous brûlera les mains. Devant ces présidents qui dirigent le monde, qui jouent au cerf-volant avec toute leur bombe. Devant les synagogues, devant les cathédrales, il n'y a qu'un bon Dieu mais toujours plusieurs diables. Devant ceux qui n'ont rien, devant ceux qui ont tout, s'il le faut, je veux bien le chanter à genoux. J'en appelle à la tendresse, à l'amour, s'il nous en reste. J'en appelle à tous les hommes, que leur volonté soit bonne. J'en appelle à la tendresse, en plein cœur, je vous adresse une chanson d'espoir en somme. J'en appelle à tous les hommes. Au front des monuments, n'écrivez pas l'histoire. Un soldat trop vaillant, c'est un ami qui part. Au nom de quelle folie, au nom de quel pouvoir, on les envoie cueillir les lauriers de la gloire. J'ai le cœur d'une femme et les mots pour le dire. Il y a trop de larmes dans ce monde en délire. Dites-moi si je mens, dites-moi si j'ai tort. S'il le faut, je veux bien vous le chanter plus fort. Thank you. 60, la légende en musique sur Radio Guémozo. Tous les bateaux sont rentrés, les amours sont abîmés, et les amants séparés n'ont pas encore oublié. Moi dans tes bras, de jeunes loups, et l'aventure c'était nous, la nuit, le jour, n'importe où. Quand un homme a du charme, charme, charme, je ne suis qu'une femme, femme, femme, je la bouge, mon flamme, flamme, flamme, et tant pis pour les larmes, larmes, larmes. Tous les trains sont arrivés, les souvenirs sont restés, et les rues ensoleillées attendront bien une année. Qui se souviendra de nous, des amoureux un peu fous, qui se donnaient rendez-vous, la nuit, le jour, n'importe où. Quand un homme a du charme, charme, charme, je ne suis qu'une Guémozo, le temps des yéyés, le meilleur des 60s.

Radio Guémozo, les bons moments ont toujours une musique. Lonely Boy, savoir dire non, eh bien, c'est tout un art. Et François Hardy, en 1965, le fait très bien. Dis-lui non. Good.

the way you walk, I like the way you talk. Let me hold your hand, try to understand. I want a girl like you, tell my troubles to you. Don't be afraid, you heard what I said. Let the four wind blow, let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best. Let the full wind blow, let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best. I want a girl like you, tell my troubles to you. Don't be afraid, you heard what I said. Let the four winds blow, let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best. Let the four winds blow, let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best. Banania, le petit déjeuner dynamique donne du ressort. Du lang, du lang, du lang. Du lang, du lang. He's so fine, wish she were mine. That handsome boy over there, one with the wavy hair. I don't know how I'm gonna do it, but I'm gonna make you mine. Be the envy of other girls, it's just a matter of time. He's a soft-spoken guy, kind of shy. Thank you.